Tu es le chef de notre foi. You are the master of our faith. Nous avons raison de te croire. We have all the reason to believe and trust you. Nous avons trouvé le vrai Dieu. We have found the true God. Le véritable. The true one. Nous sommes dans le véritable. And we are in the veritable, the true one. Ce soir, Seigneur, nous voici. This evening, behold, we are here. Nous sommes là pour toi. We are here for you. Nous sommes venus te rencontrer. We have come to encounter you. Laisse-toi trouver à nos cœurs. May you be found by our hearts. Et bénis ta parole. And bless your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir devant le Seigneur. May be seated in the presence of the Lord. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour. We bless the Lord for this second day. Et nous lui sommes reconnaissants pour ses bienfaits et ses grâces. And we have our recognition to his goodness and also his grace. Alléluia. Amen. Disons bienvenue à notre frère Samuel. Most welcome to our brother Samuel. Karibu. You're welcome. Tu peux accueillir quelqu'un ce soir. Can you greet someone? Say you are welcome in the presence of the Lord. Say you are welcome. Accueille-les avec joie, s'il te plaît. You can welcome the person with a smile. Avec joie. With joy. Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé de parler de la vie abondante. We started speaking about abundant life. C'est possible pour toi. It's possible for you. Alors tu m'aides en nouveau à dire au voisin que la vie abondante est possible pour toi. Now, dis-le-lui. Tell your neighbor that abundant life is possible for you. Elle est possible pour toi. It's possible for you. Alléluia. Amen. Hier, nous avons essayé de comprendre quelques concepts de vie abondante. Yesterday, we tried to understand some words, some concepts c'était of abundance. C'était quoi la vie? C'était quoi abondante? What does life means? What does abundant mean? Je crois que j'ai pas besoin d'expliquer. C'est possible pour toi. And I don't need to explain. It's Ça possible for you. Je veux tout simplement dire que c'est la volonté de Dieu. I want just to say that the will of God. Et si tu fais ce que tu es appelé à faire, if you do whatever you are called to do, tu vas l'avoir. You shall receive it. C'est possible pour toi. It's possible for you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, this evening, je voudrais parler de cet appel à la vie abondante. I want to talk about the call into abundant life. En fait, depuis le commencement, from the beginning, l'idée de Dieu, the idea of God, a toujours été, has been, d'offrir à l'homme, to offer to mankind, la vie, life, et la véritable, and the true life. Lorsque vous analysez la création en Éden, when you analyze the creation in lorsque Eden, Dieu crée Adam et Ève, when God created Adam and Eve, vous vous rendez compte que Dieu a préparé les choses, you understand that God prepared everything, de telle manière que Adam et Ève vivent une vie abondante. In the manner that Adam and Eve they were in abundance. Il n'a oublié aucun élément. He did not forget anything. D'abord, first of all, avant même de créer l'homme, before to create man, il crée les étoiles, he created the stars, il a tout créé, and he created everything. Et puis il prend parmi les planètes, and in all the planets, il prend une, he took one, la terre, the earth, et il se concentre dessus, and he concentrated on it. Et il fait des choses sur la terre, and he did things on the que ground, vous ne trouvez pas sur les autres planètes, which you can't find in other planets. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Why do you do this, Lord? Je suis en train de préparer un endroit, because I'm preparing a place, où la créature que je vais créer à mon image, where a creature which I'm going to create on my va image, vivre la vie abondante, shall live in abundance. Et après qu'il ait tout créé, and after he had created everything, sur toute la terre, on the earth, il prépara un coin. He prepared a special place. Qu'il appela Eden. Which was called Eden. Et dans Eden, il a dit, il y a un fleuve qui sortait en Eden et qui se partageait en quatre bras. And now the Bible says that in Eden there was a river which was divided into four parts. Vous savez, vous ne pouvez pas être heureux là où il n'y a pas de l'eau. You can't be happy where there is no water. Quelqu'un a même dit l'eau est la vie. Someone said even water is life. Les gens qui vivent dans le désert, people who live in the desert, ils peuvent vous expliquer. They can explain to you. C'est bon de faire le forage. It's good to dig. inside. Dans Dubaï et dans tous ces pays désertiques. Then Dubai or those il faut des forages. For them they go and they dig. Et ils ont de l'eau. And they receive water. Mais qu'est-ce que c'est que l'eau que nous avons? But what does it mean this water we get everywhere? Il y a une appellation particulière. There is a calling which is particular. On l'appelle l'eau douce. It's called even good water. De l'eau douce. Good water. C'est pas l'eau du lac. It's not the water from the lake. C'est pas l'eau. Je sais pas de quoi, c'est l'eau douce. But a good water. Et Dieu prépare un endroit. And God prepared a place. Où Adam et Eve vont vivre. Where Adam and Eve were supposed to où live. Où l'être humain va habiter. Where the humankind was supposed to dwell. Et il prépare là dedans des arbres beaux à manger. And he prepared trees good to eat. Et il ajoute. And he added on that. Il fait aussi des arbres bons à manger. He made also beaux à voir aussi. Trees which were good to look at. Donc l'homme doit manger. It means the man has to eat. Abondamment, to eat abundantly, et il doit voir, and also to see, et même quand il voit, and when he sees, il doit ressentir un retour, can receive the reflect, qui contribue à son bien-être, which contribute of his being. Et Adam et Eve sont dans cet endroit. Adam and Eve found themselves in that place. Pourquoi tu fais ça? Why do you do that, Lord? Dans mon idée originale, in my original idea, je prévois de la vie abondante pour l'homme. I prepared abundant life for man. Il manquait pas de fruits en Eden. They did not lack any fruit in Eden. Pour que Eve aille prendre la connaissance du bien et du mal. For Eve to go and take the from the tree of the knowledge of the fruit. There were many fruits. Il n'avait pas faim. She was not hungry. Et s'il avait faim, and she, if he had been même hungry, aller prendre manger du fruit de l'arbre de vie était prévu aussi. She could have gone and take a fruit from the tree of life. Tout était là. Everything was prepared. Depuis le commencement. From the beginning. L'idée de Dieu. The idea of God. C'est la vie abondante. Life and abundant life. C'est la vie effective. It's effective life. Et quand vous voyez l'histoire. When you see the story. Que vous lirez la Bible du début à la fin. When you read the Bible from vous Genesis allez vous rendre compte. Revelation, you'll understand que that chaque fois que l'homme. Every time man. A eu à renouer avec Dieu. Had to be attached to God. À revenir à Dieu. Or to come back to God. Dieu a arrangé les choses. God arranged everything. Pour que la vie abondante revienne. So that abundant life will come back also. Et chaque fois que l'homme s'est éloigné de Dieu. And every time a man has gone far from God. Dieu a arrangé les choses. God also arranged things. Pour que la vie abondante cesse. That abundant life should cease or stop off. Un peu comme dire à l'homme. Tu es obligé. Another way of saying, oh man, that you are obliged. Si tu veux vivre sur cette terre que j'ai créée. If you want to live well in this earth which I created. Il faut nouer avec moi. You must be attached to me. Si tu t'éloignes de moi. The more you go far from me. Je reste avec ma vie. I'll be with my life. Je reste avec ma vie. I'll remain with my life. Alors pars là où tu veux. Then go wherever you want. Vous savez. You know, lorsqu'Adam et Eve sont au péché, when Adam and Eve sinned, ils sont partis se cacher. They went and hide themselves. C'est pas Dieu qui a dit, allez vous cacher. It was not God who told them to go and hide themselves. C'est-à-dire lorsque tu offenses Dieu, it means that when you sin against God, naturellement, naturally, tu perds la vie. You lose après, life. Après Dieu retire sa vie. God takes off his life. Et quand il retire sa vie, when he takes back his life. Tu ne sais plus vivre à cet endroit. You will not manage how to live in that place. Tu es malheureux. You are unfortunate. Et tu n'as qu'à partir. And you can even go away. Mais lorsque tu reviens à Dieu. But when you come back to God. Tu retrouves la vie. You receive back the life. Ce soir, retrouve la vie. This evening, receive back life. Ce soir, reviens à Dieu. This evening, come back to God. Et il en a suffisamment. He had an abundance. On n'est jamais venu à Dieu si nombreux. You can't come to God even if it's a big number. Au point que Dieu dise. That God says. Vous êtes nombreux, le stock est terminé. That you are many, the stock is over. Le stock est toujours là. The stock is always there. Même les bénédictions de Dieu. Even the blessings of God. Ne s'épuisent jamais. They are not over. Quand il me bénit. When he blesses me. Que toi tu viens, and when you come il after, te dira pas, il y en a plus. He'll not tell you that there is no more. À tout le monde qui vient au Seigneur, to everyone who comes to the Lord, la provision est là. The provision is there. Provision de quoi? Which provision? De la vie. Of life. Pourquoi tu es à Kampala? Why are you in Kampala? Parce que Dieu veut que tu sois un instrument de la distribution de la vie. Because God wants you to be an instrument of to distribute life. Pourquoi tu vas dans une nation voisine? Why do you go to a foreign country? Parce que tu dois apporter la vie dans cette nation. Because you have to go and bring life to that nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te sens concerné? Do you think that you are concerned with it? Est-ce que tu penses que c'est pour les autres? Do you think it's for other people? Certains pensent. Some people think que rien de bon ne peut venir du Congo. That nothing good can come from Congo. Il est possible que quand tu passes dans cette ville, it's possible that when you are walking in this city églises, and you see big churches. Certains d'entre nous on a prié à Cathedral Miracle Center. Miracle Center. Some of us have prayed there in Cathedral Miracle Center Church. In Watoto Church. Et on a été ébloui. And you were very surprised. Et certainement quand tu as appris que ton église aussi vient. And when you understood that your church is coming here. Tu t'es dit, mais on allait à nini huku. Said, what are you bringing here? We have big churches already. they are already here. What are you coming to do here? Laisse-moi te dire, frère. Let me tell you, brother. Que le stock est suffisant. The stock is sufficient. Et Dieu a besoin de tout le monde. And God needs everyone. Pour apporter la vie. To bring life. Et Dieu a chargé l'église. And God has charged the church. Où qu'elle soit. Wherever she may be. To go, de faire de toutes les nations, and to make all the nations, les disciples, disciples, les baptisant au nom du Père, etc. Baptize them in the name of the Father les enseignant à garder tout ce qu'il a prescrit. Teach them to keep whatever Dieu a prévu to them. God que nous soyons des porteurs de vie. And prepare that you'll be the transporters of life. Dites à ton voisin, le pasteur parle de moi. Tell your neighbor that the pastor is talking about me. Je suis porteur de vie. I'm a transporter of life. Je vous assure, I'm assuring to nous you, sommes des porteurs de vie. We are the carriers of life. Et il faut que tu l'acceptes. You must accept it. Il faut que tu entres dedans. You must enter in. Mais face à cette vie, but on, according to that, face à cette vie, sorry, face à cet appel, of, concerning that calling, ou en présence de cette offre divine, or in the presence of that divine offering, il y a quelques attitudes que les hommes manifestent. There are some attitudes which men had to show. Je vais parler de cela ce soir. It's what I'm going to talk about this evening. Quelques attitudes. Some attitudes. Face à l'appel de Dieu pour offrir la vie. Concerning the call of God to give life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 17 verset 24. When you read in 1 Kings chapter 17 verse 24. Élie a fini de ressusciter un enfant. Elijah, after resurrecting a child, le fils la veuve de Sarepta. It was a son of the shadow of the widow of Zarephath. Et j'aime une parole que cette veuve a prononcée. I like the word that this widow spoke. Mais cette phrase révèle des choses. But this sentence reveals things. Elle dit ceci. It says this. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ça veut dire, it means, avant, before, elle ne reconnaissait pas. She did not acknowledge that. C'est un problème d'attitude. It was a problem of attitude. Elle a mangé pendant trois ans et demi. He ate 3 years and a half. Sans que son foufou se termine. Without his food to be jusque over. Jusque là, elle n'avait pas compris. But then she did not understand. Le problème d'attitude est un grand problème dans notre société de croyants aujourd'hui. The issue of attitude is something which is problematic to the society of Christians. Et au milieu de nous. And among us, il y a diverses attitudes. There are different attitudes. Même face à ce message. Even according to this message. Bon, si c'est face à ce message, ça va. It's according to this message, it's okay. Mais si c'est face à la réalité dont nous parlons, but là c'est grave. But it's about the reality on which we are speaking about. Écoutez-moi, frère, sœur. It's very sad. Listen to nous me. Nous avons dit hier. We said yesterday. Dans Jean chapitre 6 verset 63, il est écrit. In John 6, 63. La parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. That the word I announced to you is spirit and elle life. Est esprit et vie. It's spirit and life. Et cette vie-là, and that life, c'est la vie abondante. It's abundant life. Cette vie-là, that life, c'est la Zoé. It's the Zoé. C'est la vie dont Dieu vit. It's the life lived by God. Et c'est la vie dont nous avons besoin. It's the life which we need. C'est la vie dont tu as besoin dans ton intelligence. The life that you need in your intelligence. Dont tu as besoin dans tes entrailles. You need it in your belly. Dont tu as besoin dans tes muscles. You need it in your muscles. Dont tu as besoin dans tes entreprises. You need it in tu your en as besoin you need dans it ta famille. In your family. Tu en as besoin dans tes affaires. You need it in your business. Tu en as besoin dans ton ministère. You need it in your ministry. Tu en as besoin en tous égards. You need it in la every level of life. De Dieu. The life of la God. Vie dont Dieu vit, the divine c'est life. D'elle dont tu as besoin. It's what you need. C'est d'elle dont moi j'ai besoin what moi-même. I need also. Pour bien vous parler. For me to speak well je to you. Je cours devant le Seigneur. I go back to God. Et je lui dis Seigneur. I say Lord. Qu'est-ce que je vais leur apporter? What am I going to bring to donne-moi them? Donne-moi la vie à leur apporter. Give me life to bring to them. Dieu me donne une parole. God gives me a et word. Et lorsque j'apporte la parole. When I bring the word. La parole c'est juste l'emballage. The word is just something which is covered. C'est juste l'emballage like de la vie, the cover of de life, la vie of life. Que cette parole, this que cet emballage transporte. The cover transforms. Alors, il y a des attitudes diversifiées. So there are attitudes which are different. Tu peux être du début à la fin dans un culte. You can be from the beginning and the end in the service. Avec une certaine attitude. With a certain attitude. Qui va faire que soit tu gagnes, soit tu perds. Which will cause that whether you win or you lose. Ton attitude est déterminante. So the attitude determines. Pour gagner la vie ou perdre la vie. To win life or to lose it. Jetons un coup d'œil là en Genèse. Lorsque Ève pêche, tombe dans Genèse chapitre 3. When you go back in Genesis chapter 3, when Adam and Eve sinned. Quand vous regardez cette discussion là. When you look at that discussion. Vous posez la question, mais Ève, qu'est-ce qui t'a pris même? You ask yourself, what took you Eve to go up to that stage? La Bible dit, le serpent était le plus rusé parmi les animaux. Et il pose la question à cette femme. Et la femme lui dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Elle répond à quelle phrase? La première, au verset premier. She responded le diable lui dit, the devil said, Dieu a-t-il réellement dit? Did really God say? Dieu a-t-il réellement dit? Did really God say? Que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. That you shall never eat from all the fruit in the garden. L'attitude de Ève. So the attitude of Eve. Devait déjà constater qu'il y a une anomalie. Was to understand that there is a mistake. Si Dieu a dit qu'on ne mangera pas de tous les fruits du jardin. If God could say that you will never eat from all the fruits of the garden. C'est qu'on ne mangera pas. It means that's it. Est-ce que vous voyez? Do you understand that? La question elle-même, the question itself, peut faciliter la réponse. Can facilitate the answer. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Did really God forbid you to eat from all the trees in the garden? Je crois que si Ève était attentive et elle avait une bonne attitude. If Eve had was attentive, dire, she would have had a good attitude. Serpent, est-ce que tu peux reformuler ta question? She was to reply that, can you re-ask the question? Hallelujah. Amen. Est-ce que tu peux reposer la question? Can you ask again that question? C'est comme si tu n'as pas bien compris. It's like you did not understand. Dieu a-t-il réellement dit? Did really God que say vous ne mangerez pas de tous les fruits du that jardin? That you'll never eat from all the trees in the garden. Elle pouvait carrément lui dire. She was supposed to say straightly. Et alors, si on mange pas de tous les fruits, on va manger quoi? And what then? If we don't eat from all the trees, what are we going to eat? Alléluia. Amen. Mais l'attitude que Eve a. But the attitude that Eve took. C'est l'environnement qui va la conduire soit à la victoire, soit à l'échec. It's the environment which will take her to guide her to the victory l'attitude or to lose. Que nous avons the attitude which we have face à Dieu according to God va nous faciliter à gagner quelque chose de Dieu will facilitate us to gain something from God ou à tout rater de Dieu or to miss everything from God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? L'attitude que tu as The attitude that lorsque you have, tu viens à l'église, when you come to church, est déterminante, it will determine pour que tu rentres guéri, whether you'll go healed, que tu rentres béni, that you go back blessed, que tu rentres transformé, that you go back transformed, ou le contraire, or the opposite. L'attitude que tu as, the attitude that you have, lorsque tu sors de ce lieu, because you, when you leave this place, face au message que tu viens d'écouter, towards the message which you've heard, est déterminante, which will determine, par rapport aux facteurs mis en pratique, according to what to practice. Celui qui est venu avec une attitude correcte, the one who came with a good attitude, va rentrer avec la vie. Will go back with life. Et il va commencer à la distribuer. And shall start distributing même it. Dans les bus. Even in buses. Ou aux motards. Even to the border guys. Ou aux policiers. Even to policemen. Qui est là au coin. Which is there in the corner. Si je suis allé dans la présence de Dieu. If I've gone to the presence of God. Avec un cœur assoiffé. With a heart which is thirsty. Avec une attitude de foi. With an attitude of faith. De confiance. With trust, en la parole de Dieu, with the word of God, je veux revenir, I shall come back, avec tout ce que Dieu m'a donné, with everything given to me by même God, si personne ne voit even quelque chose de matériel, no one sees it materially, moi je saurai, but I shall know, que j'ai, that I've received, que tu ne voyes rien ou que tu vois, moi j'ai, whether you see it or not, but I have. Lorsque Pierre monte au temple, when Peter went to the temple, il dit au paralytique, he told this lame person, ni argent ni or, I don't have none, neither gold or silver, but what je te I le have, donne. I give it. Et le paralytique le regarde bien. And the lame person looked at him, espérant qu'il va toucher dans une poche, hoping to receive money from him. Mais qu'on sache que le monsieur ne touche nulle part. But understand that the guy is not touching his pocket. Mais il continue à parler. He continued just to speak out. C'est que j'ai. What I have, je te le donne. I give it to je you. Je vois que cette phrase retentit dans la tête du paralytique. I think that sentence was coming over and over in the head. Il se dit. And he said himself. Les autres ne disent pas. Other people don't say. Je te donne. That I'm giving to you. Quand ils veulent me donner. When they want to give. Il touche dans leur poche et donne. They just touch their pocket. Comme celui-ci s'est arrêté. But for him, though these people they stood up. Et il a dit, regarde-moi. He said, look at me. Il y a de l'argent aujourd'hui. I'm going to receive money. This guy. Il y a une liasse. I'm going to receive much money today. Regarde-moi. Look at me. Il n'a pas refusé. And the guy did not refuse il to look. Fixé. He looked at them et straightly and looked at them. Et puis le monsieur ajoute, and also the guy added on that. Je n'ai ni argent ni or. I don't have neither gold nor silver. Je crois que ça l'étique, ce mec. Qu'est-ce qu'il va me donner du foufou ou quoi? I think he was thinking, is he going to give me anything il else? Il n'a pas de colis, il n'a pas de kikapo avec lui. He doesn't have even a bag where he's carrying things. Ce que j'ai, je te le donne. What I have, I give unto you. Et puis il dit, and he said, au nom de Jésus de Nazareth, the name of Jesus of Nazareth, lève-toi et marche. Rise up and walk. C'est tellement abstrait quoi. This does not match with what I'm needing. Et Pierre constate que cet homme ne comprend pas. And Peter understood that this guy is not getting. Et il l'aide. And he helped him. La Bible dit, il lui tenu la main. The Bible said that he took his hand. Et le souleva. And put him up. Et quand il le soulève, when he put him up, le miracle se produit. The miracle happened. Mais qu'est-ce qui s'est passé? What happened? La vie dont Dieu vit. The life lived by God. La Zoé de Dieu. Or the Zoé of God. Qui est remplie en Pierre. Which was full in Peter. Est passée par la parole. Went through the word of the word. Elle n'était pas visible. It was not to be seen by naked eyes. Le monsieur ne pouvait pas voir. That guy couldn't see it. Le paralytique ne pouvait pas percevoir la vie en question. The lame couldn't touch it. Mais elle était pourtant présente. But it was present that place. La vie, elle était réelle. The life was real. Et il a réellement obtenu. And also he received parce it. Que lorsqu'on le soulève, because when he was taken by hand, constate, and he understood qu'il ne réglisse pas, that he does not go down as other days. Il constate, he understood that qu'il reste debout. He was firm standing. C'est pourquoi quand vous lisez la suite, when you read the following, dans Actes chapitre 3, in Acts chapter 3, la Bible dit, il entra dans le temple, the Bible says he entered into the temple, sautant, and started to jump chantant, up, singing Dieu, and praising God. Il ne pouvait plus aller dans le temple, he couldn't go to the temple rampant par terre, by crawling down as always. Les muscles, les articulations, because the muscles, the joints, membres, all of them took life. Tout marche maintenant. Everything went well. Il exerce. He was exercising. La nouvelle vie abondante. The abundant life. Il vient de pénétrer dans son corps. Il ne peut pas aller comme ça. He did not go crawling. Il a fait une saute. But he went jumping. Ça fait des années que vous m'avez pas vu. There were years you did not see me here. Vous me voyez toujours rampant. You saw me just crawling down. But today, voyez-moi. Look at me. Voyez-moi. Look at me. Voyez-moi. Look at me. Voyez-moi. Look at me. Et il sautait. And afin qu'on le voie. He was jumping in order to be seen. But what has happened? La vie vient d'entrer dedans. Life entered in him. C'est cette vie que je te parle. That life I'm talking about. Tu peux obtenir cette vie dans ton corps aussi ce soir. That life which I'm talking about today. Tu peux obtenir cette guérison ce soir. That healing you can receive. C'est la même vie. The same life. Alors reçois-la. Receive life. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Alors il y a beaucoup d'attitudes. There are many attitudes. Je vais partager sur quatre attitudes. I'm going to share about four attitudes. La première attitude, the first attitude, c'est l'attitude d'inconscience. Is the attitude of inconscience. Il y a dans la société, there are in the society, in societies, cette attitude d'inconscience, the attitude of inconscience, face à l'offre divine de la vie. Towards the divine offer of life. Dieu offre la vie. God offers life. Pas n'importe laquelle. Not any kind of life. La vie abondante. But abundant life. Mais quelle est l'attitude des êtres humains? But what is the attitude of mankind? Je ne parle pas seulement des attitudes de ceux qui sont à l'église. I'm not talking about the attitude of people who come to church. Je parle de tous les êtres humains. But I'm talking about mankind. Même ceux qui sont en train de passer dans la route. Even those people who are walking along the road. Vous savez, you know, l'être humain, humankind, a été façonné tel, was created in a manner, qu'il est dans une certaine mesure conscient qu'il a besoin d'un être suprême. That he can be in a conscious of a supreme living. Et il sait, and he knows, que le top de tout ce qu'il a besoin, that the highest of what he needs, réside auprès de cet être suprême. Is near by the one who is most high. C'est ce qui conduit les gens à aller chez les féticheurs. It's what pushes people to go to the witch doctors or to go to do occults. Parce qu'ils cherchent un être suprême. Because they are looking for the one who is ils highly blessed. Quelqu'un qui peut résoudre ses problèmes. Or someone who can resolve the problems. Ils soupirent après un être plus grand que so lui. They are thinking to be from who is powerful certains than them. Certains cherchent des hommes. Others go and look for men. Ils veulent être amis d'un ministre. You can be a friend to a minister. Ils veulent chercher à être connus par les chefs de l'État. They want to be known by the state. En fait, the chief of the state. Ils cherchent quelque chose de plus grand que lui-même. They are looking for whoever is greater than them. Parce qu'il a l'impression. Because they have the impression. Que au niveau de lui-même. But at their level. Il y a beaucoup de manquements. There are things which they lack. Il y a beaucoup de vides. There is emptiness. Il faut qu'il rencontre quelqu'un qui va combler son vide. He must meet with someone who will cover the emptiness. C'était court dans les affaires. Some people go to do business. Ils veulent être riches. They want to be rich. Ils espèrent. They hope que la richesse va combler ce vide. That riches will cover the emptiness. D'autres veulent le mariage. Other people they need marriage. Ils se disent. They tell themselves. Les gens qui sont mariés. Those people who are married. Ils ont l'air d'être comblés. They have the people to cover the emptiness. Les gens qui sont mariés, on a l'impression que eux ils sont complets. Okay, the people who are married, we have the impression that they are complete. C'est ça. Thank you. Alléluia. Amen. Et donc, les êtres humains, so, all men, ont besoin de la vie abondante. They need abundant life. Mais en même temps, parmi ces êtres humains, and also in the same time, among those men, il y a cette catégorie we have this category des inconscients. Of the people who are inconscient, or out of their conscience. Ils sont inconscients. They are inconscient. Qu'est-ce que j'attends par inconscient? What do I understand by inconscience? C'est-à-dire, malgré le fait qu'il sait, it means despite que la solution existe, despite that they know that the solution exists, ils ne cherchent pas cette solution. They don't look for that solution. Ils naviguent dans la vie vaille que vaille. Then they are just navigating in life as if they are swimming. Même à l'église. Even in church. On peut nous prêcher sur la prière. We can be preached about prayer. Et on nous dit si tu pries. They tell you if you pray. Voici ce que Dieu peut faire. This is what God can do. Mais comme tu es un inconscient. But because you are inconscient. Quand le pasteur dit priez sans cesse. When, tu acclames, tu dis alléluia. When the pastor says pray without quand, ceasing, he says alléluia. Le culte fini. At the end of the service, tu pars, you go back. Tu prieras la semaine prochaine. You'll pray next week. Quel est ton problème? What's your problem? Inconscient. Inconscient. Bien-aimés, venez, servons le Seigneur. Beloved, come, let us et serve the Lord. Compte que, en fait, c'est vrai. He said, that's true. Il faut qu'on serve le Seigneur. We must serve the Lord. Et à la fin du culte, at the end of the service, tu vois les autres arranger les chaises. You see some arranging chairs. Tu prends ta Bible et ton bic. You take your Bible and your pen. You put them on your chest. Tu pars. You go back. You can't even help tu salues them. Même personne. You don't even greet anyone. Tu es parti. You just go away. En fait, les choses là de Dieu, so the things of God sont occasionnelles. It's just an occasion of à l'église. Things. Just in church. Parlons Dieu à l'église. We speak about God in church. Il ne faut pas nous embêter avec ces choses-là à la maison. Don't disturb about those things of laissez God in our tranquille. Home. Let us give us space. L'inconscient, the inconscient person, ou l'inconsciente, or inconscient woman, savent know que Dieu leur offre la vie that God abondante. Has given them abundant life. Ils savent que c'est possible. They know that it's possible. Mais ils restent tranquilles. But they keep quiet. Et le fait de rester tranquille, in the way of just keeping quiet, ils continuent à souffrir de l'absence de la vie à question. They continue to suffer from the lack of life. Mais ils restent inconscients. But they just they are inconscient. Il y a des choses qui leur manquent. There are things which they lack. Les féticheurs les oppressent. But the witch doctors, they come and les put oppression on them. Maltraite. The demons are disturbing them. Et la nuit, and the night, ils sursautent. They are jumping up, les crying. Les uns, ils attendent qu'on est venu les coincer dans le cou. Some, they are just there traveling on their neck. They don't know even how ils to ne savent même pas citer le nom de Jésus. Don't even know how to speak about the name et of Jesus. Et quand ils se réveillent, when they woke up, I was trampled tonight. Okay. What happened? Then what have you done next? Et il continue la vie normalement. And continue normal life. Il est inconscient. He's inconscient. La solution existe. The solution exists. La vie existe. Life exists. Elle est disponible. It's available. Je pourrais même dire, I could have said, cette vie-là dérange Dieu. That life is just disturbing God. Dieu cherche à qui donner ça. He's looking for whoever to give it to. Dieu est soucié à faire quelque chose pour quelqu'un. God is concerned to do something for someone. Et il vient dans ce genre de réunion. And he comes in such gatherings. Pour espérer qu'il va trouver quelqu'un. Hoping that he'll get someone. Qui va dire Dieu. Say, moi, je suis venu pour ça. I've come for that. Donne-moi ma part. Give me my portion. Et quand tu prends ta part, when you receive your portion, tu cherches des personnes. Look for people. Qui vont dire Seigneur. Who will say God? Ajoute encore. Add on us. Et comme il en a assez, because you have over, il va ajouter. He'll add la on Bible you. Déclare. The Bible says. On versera dans ton sein. They are going to une mesure pour on you. C'est coué. What is shepherd, qui déborde. Which is overflows. Ce verset parle de l'offrande. This speaks about offerings. Mais je l'applique à la vie effective. But I'm applying it to effective life. Lorsque tu demandes à Dieu la vie, when you ask life from il God, peut te donner une mesure serrée. He can give you a measure which is secoué, shaken et qui déborde. Which overflows. Parce qu'il en a suffisamment. Because it has plenty and Dieu, many. God, lorsque tu lui demandes la vie, when you ask for life, il n'entre pas en chambre he doesn't go in the pour aller chercher. In the room to go and ask, take it. Il est lui-même la vie. He is himself life. C'est-à-dire, si tu es capable de lui parler, if you are able to speak et de to lui, him, Dieu donne-moi la then vie. God give me life. Il ne va pas faire un voyage. He'll not take a journey pour aller chercher pour to go toi. And come to look for you. Il va pas aller au ciel. He'll not go in heaven pour aller chercher pour to toi. Go and look for you. Et j'annonce à quelqu'un, but I'm not saying Dieu est someone, présent ce soir. God is here this evening. Tu n'as pas besoin de chercher loin. You don't need to look from far. Si ton cœur est ouvert, if your heart is open, et que tu sors de l'inconscient, and you come out of inconscience, tu vas avoir ta part. You'll receive your portion. Alléluia. Amen. Regardez l'histoire de Esaü. Look at the history of Esau. Il a perdu son droit d'aînesse. He lost his firstborn right. Il avait déjà le droit d'aînesse. He had the right of c'est being born. C'est dans le droit d'aînesse. It was the right of que résidait first birth. Toute la promesse de Dieu à Abraham. To inherit the all the promises of Abraham. Toutes les bénédictions divines. All the divine blessings. Dont nous vivons même aujourd'hui. Which we are living today. Parce que Jésus est venu confirmer ces bénédictions. Because Jesus came to confirm them. Jésus est venu déployer ces bénédictions Jesus d'Abraham. Jesus came to bring them out those et blessings. Esaü les a. But Esau had them. Par le fait d'être né le premier. On the way to be born the first. Malheureusement. Unfortunately. Il a faim. He was hungry. Et il trouve son petit frère faire un peu de potage. And he saw his young brother doing soup. Et comme il a faim, because he was hungry, il dit au petit frère, he told his young brother, donne-moi ce potage là, give me that soup I want to eat. Sinon je meurs. If I don't eat, I'll die. L'inconscience, the inconscience, te fait amplifier même tes problèmes. Will cause you to amplify even your problems. Est-ce qu'on meurt de faim comme ça et on est vigoureux au vieux des champs? Can you just die then, when you come from the field after si tu digging? Sais, si tu peux encore marcher, if you can walk, Esaü, Esau, tu n'es pas prêt à mourir. You are not, you can't die just suddenly. Quelqu'un qui veut mourir, someone who is about to die, il est déjà déshydraté. He's dehydrated. Il y a plus rien dans son corps. There is nothing in his body. Il est allongé là. He's just il laying down. Il ne peut même plus bouger. He can't even shake himself. Il peut dire je vais mourir de faim maintenant. He can say I'm going to die with. Mais he can't tu say viens, that. Tu transpires. But you come sweating. Et tu dis que tu veux mourir. And you say that you're going to die. Donne-moi le potage. Give me the soup. Le petit frère est différent de cette catégorie. The young brother was clever from that category. On va revenir sur lui. We'll talk about him. Alléluia. Amen. Et ce petit frère lui donne le potage. The young brother gave him soup. Et il achète le droit d'aînesse. But he bought the right of firstborn. He potage, said, potage, d'accord. Yes, I'm going to give you soup. Mais on fait le marché. But this is the market. This is business. Droit d'aînesse. Give me the right of the potage. Firstborn, and I'm going to give you soup. Maintenant, imaginez, frère, sœur. Just imagine, brother and sister. Quelle inconscience. Which kind of inconscience? Esaü, tu n'es pas en mesure de percevoir. Et so you are not even que ça, c'est un marché bête. Able to see that this is not a good market. C'est pas des choses qui est it's very fake. These things are not even balancing. Le potage ne va pas rester dans ton ventre toute la vie. Soup will not even stay in your stomach all the whole of your life. Il pouvait même peut-être il pouvait même être un peu plus intelligent et dire OK. On fait les marchés. Maybe if he was wise enough, he could say that let us do business. Le droit d'aînesse. I'm giving you my right, my right tu vas me nourrir. You are going to feed me. Tu vas me nourrir toute ma vie. You'll feed me the whole of my life. Ça pouvait quand même être un peu équilibré. At least maybe that can match. Mais c'est juste un plat d'aujourd'hui. Just a plate for today. Et le petit qui est lui, il est conscient. But this brother who was il lui donne le potage. Gave him soup. Le grand frère mange. The elder brother ate. Et il lui ajoute aussi du vin. And he added even something else. Il a ajouté. He added again. Il mange grand frère. Just eat. Le marché est conclu. This is done. The matter is done. Brothers, sisters. Brothers and sisters. Sors de la catégorie des inconscients. Come out of the category of inconscient people. L'inconscience, the inconscience, est la manifestation de beaucoup de misère dans notre société. The manifestation of misery in the society today. L'inconscience, inconscience, c'est la manifestation de tous ces péchés que vous voyez. The manifestation of all the sins that you see. À cause de l'inconscience, because of inconscience, un monsieur te drague. A brother comes and caught you. Et puis tu dis, je t'ai donné $1,000. He said, I'm going to give you $1,000. Pour que quoi? For what next? Je vais avec toi. I want to be with you. Et après? And after then? Si seulement cette femme mesure. If that woman can measure. Le dégât au plan spirituel. Or the consequences spiritually. Le dégât. Vous savez, quand tu vas aller avec cet homme, you know, when you'll go il with est that possible qu'il va te laisser tous les démons qui sont en lui. It's possible that he can leave all the demons in him. Toute la cargaison de ces démons. All the package of the demons. Il va te les laisser. He'll leave them in you. Tu ne mesures pas. You don't measure that. Peut-être va te laisser une grossesse. Maybe you'll peut-être be pregnant. Peut-être va te laisser une maladie. Maybe sickness. Et pour $1,000. Just for $1,000. Et si te laisse la maladie? Now, if he leave to you sickness, $1,000 va te faire soigner pendant combien d'années? How much do you think $1,000 is going to treat you for how long? On peut se faire soigner à 1000 dollars pendant 2 ans. Can you be treated with $1,000 for 2 years? Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dites à ton voisin, frère, cesse d'être un inconscient. Tell your neighbor, stop being inconscient. Stop being inconscient. Cesse d'être un inconscient, frère. Stop being inconscient, brother. C'est grave. It's very sad. It's a pity. Il a vendu son droit de naissance. He sold his right of being firstborn. Je voudrais vous expliquer quelque chose. I wanted to explain to you one thing. En fait, Satan, Satan, lorsqu'il t'aide à être inconscient, when he helps you to be inconscient, ce n'est pas seulement pour t'amener dans le péché. It's not only to take you into sin. Quand tu tombes dans l'impudicité, when you fall into fornication, le but du diable, the purpose of the devil, c'est pas juste de te faire tomber dans l'impudicité. It's not only for you to fall into fornication. Lorsque Jacob demande le droit d'aînesse, when Jacob was asking for the right of firstborn, ce n'est pas juste pour jouir de ça ce jour-là. It was not just for him to be joyous until that very day. C'est définitif. But it was for forever. Lorsque le diable t'amène dans le péché, so when Satan takes you into sin, il a un objectif qu'il ne te fait pas voir. He has a purpose which he does not show to you or reveal il to you. Il veut te cacher Dieu une fois pour toutes. He want to hide God from il you. Il veut voiler tes forever. Yeux. He want to pour que tu ne voyes pas Dieu. He want to put a curtain on your eyes so que that you ne voyes pas les offres divines. That you may not see the divine offers. Que tu ne voyes pas ce que Dieu est en train de te proposer. That you may not see what God is proposing. Que tu ne voyes pas les prévisions divines à ta destinée. That you may not see the provision of the divine provision for your destiny. Et lorsque tu es tombé dans le péché, when you fall into sin, lui il a gagné. He has won. Il peut même se cacher et te laisser. He can even hide himself and he leaves you alone. Il a atteint son objectif. Because he has done it. J'aime bien dire ceci, frères et sœurs. I normally say this, brothers and sisters. Je voudrais que tu m'aides à le dire au frère. And I want you to tell it to a brother. Mieux vaut ne pas pécher. It's better not to fall dile, into dile, sin. Dile, dile. It's better not to dile. Fall into sin. Mieux vaut ne pas pécher. It's better not to commit sin. Parce que le diable sait. Because the devil knows. Que lorsqu'il te laisse en face de Dieu. That when he leaves you in the presence tu of God. Tu vas tellement récolter de tout ce que Dieu a prévu. You are going to harvest everything that God has prepared. Et puis toute ton existence. And for all your existence. Et il ne supporte pas ça. And he does not bear with that. Alors il te dérange, il t'amène dans des choses afin que tu ne puisses plus voir la gloire de l'amour de Dieu. Tu ne puisses plus voir ce que Dieu est en train de te proposer. Il te rend aveugle. Il te rend inconscient. But he wants to disturb you so that you may not see, so you can be blind according to the love of God, even to the goodness of God. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Un inconscient, il va dans la prostitution. An inconscient person can go into prostitution. Juste pour l'argent. Just for money. Un inconscient va à la sorcellerie. An inconscient person can go and see parce qu'on lui witchcraft a dit, because he was told que là on gagne l'argent facilement. That there you can gain money easily. Quand un client vient, when a client comes, tu le terrorises. You're just there, put pressure on the client. Tu mets des trucs, puis you put things on your face. Tu as un visage grave. Then you have a face which brings fear to people. Et quand le client vient, when a client comes, tu touches des choses. You shake those shakers. Et puis tu poses la condition. And you put a condition. Tu mets d'abord l'argent dans ce panier. Put first money in this basket. Combien? How much? Et il te donne le prix. And he names the là price. Là on discute pas. Hein? There you can't even discuss the price. On a peur de discuter. You have fear to discuss. Si tu discutes, les démons ou les diables risquent de se fâcher. So if you want to bargain, the demons will be angry. Et quelqu'un devient féticheur. And someone becomes a witch. Witch a pour witch. Des raisons tout simplement qui ne tiennent pas. Just for fake reasons. Vous voyez, frère. You see, brother. Dans cette vie, in this life, la plupart d'hommes et de femmes, many among men and women, qui sont en train de crever moralement, who are dying in their moral states, qui souffrent et manquent à qui parler, or who are suffering and lack who to whom to talk to, c'est des personnes they are people qui se sont engagées dans quelque chose who have engaged themselves in something avec une conscience dormante, with a conscience which was une conscience sleeping, morte. A conscience which was dead. Et après, and after then, le résultat est amer. The result is worse. Ce sont les larmes. People shed tears. C'est le regret. The regret. C'est la destruction. Destruction. De nos corps. Of their bodies. De nos âmes. Of their souls. Même de la progéniture. Even from the offspring. L'inconscience est terrible. Inconscience is terrible thing. On pourrait même dire. You can even say. Sois même conscient. Be cautious. Et pêche une fois parce que tu vas te relever vite, vite. And do sin once because you're going to come out of sin. Je ne vous autorise pas de pécher. Quoi. But I'm not allowing you to go and sin. Mais quelqu'un qui est conscient. But someone who is cautious. S'il tombe. If he falls down. Il se relève. La Bible le dit aussi. And rises up. Il tombe. He falls down. Il se relève. And rises up. Parce qu'il est conscient. Because he's cautious. Mais un inconscient. But an inconscient il person. Il tombe. He falls down. Et il dort. And he sleeps. Regardez un footballeur inconscient. Look at someone a player of football. Il a essayé de dribbler. He tried to dribble people. Et puis l'adversaire l'a coincé. And also the opponent has touched his leg. Et il est tombé. And he falls down. Et il reste là. And he stays there without getting up. Et on a l'impression qu'il est blessé. They have the impression that he has been hurt. Quel joueur! Which kind of footballer is that? Il y a beaucoup de joueurs comme ça dans la vie, dans la vie chrétienne. There are such kind of players into the life. N'est-ce pas que quelquefois il t'arrive de dire, je suis tombé. It reaches even to you that I've just fallen. Nishanguke. I've fallen. Ah, si. Nothing else to do. N'est-ce pas? Isn't it? C'est quoi ça? What does it mean? L'inconscience. Inconscience. Vous êtes en ville, on ne piétine pas les caca ici. Mais nous, quand on est au village et qu'on marche dans un petit sentier comme ça, il arrive que vous piétinez dans un caca là-dedans. You're in the town, you can't even step on the human waste. But then the villages, you can step on the human waste. Parce que quand le pied descend sur ça, because when the leg goes in it, vous sentez le pied faire nye. You feel that the foot is just putting on something down. Un homme conscient. Someone who is conscient. Il soulève le pied. Lift up the leg. Et le pied reste en and haut. And also it stays up. Jusqu'à ce que. Until you go to the place. Il va faire quoi? Where you find. Il trouve un endroit pour essuyer. You find a place where you just clean it. Mais quelqu'un qui n'est pas conscient. But someone who is not conscient. Il fait le nier. He just steps on it. Et puis il dit, ça c'est ça. And he says, this is good. Et il continue sa course. And he continues with walking. C'est quand il arrive à la maison. When he reaches home. Que les enfants se rendent compte que quelque chose marche pas. The children will understand that there is a bad smell in this house. Et tout le monde commence à poser des questions. And everyone starts asking questions. Est-ce que quelqu'un était derrière? Someone who is there in the toilet. Parce que cet homme est inconscient. Because that person is not conscious. Et quand il touche le mal, and when he goes into il reste bad, dedans. And stays in it. Vous voulez rester dans le mal? You want to dwell and to stay in sin? Vous voulez rester dans le désert? Or you want to be in the desert? Pourquoi ne pas chercher la vie? Why don't you seek for life? Pourquoi effective ne pas courir? Pourquoi ne pas se battre pour la vie? Why don't you run away or you fight for life? La vie, frère. Life, brother, elle est disponible. It's available. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. J'ai parlé du cas d'Ésaü. I've spoken about the case of Esau. On peut parler du cas de Roboam. We can speak about the case of Rehoboam. Dans 2 Chroniques chapitre 10 verset 6 à 19. 2 Chronicles chapter 10 verse 6 to 19. Vous voyez cet homme, le fils de Salomon. You see this man, the son of Salomon. Salomon, c'est un grand roi. Solomon was a great king. Connu mondialement. Who was known all over the world. Et dans toute l'histoire. And in the whole history. Son fils qui va hériter de lui. But his son who took over c'est after him. C'est un petit inconscient. Is someone who was not conscient. Quand Salomon est mort. When Solomon died. Les anciens, les sages de Salomon. All the elders, the wise people viennent le Solomon, voir et they, disent they came and saw him and said, vive le roi. Oh, live long, O king. Et ils lui donnent des conseils. And they gave to him counsel. Et ils lui disent, and told them, ton père nous a fait souffrir. That your father caused us to suffer. Si toi tu agis bien, if you do good, si tu allèges les jougs sur le peuple, if you can help the people not to nous wait on them, tous te servir. All of us, we are going to serve you. Autrement dit, in other words, tu vas gérer le pays facilement. You are going to manage the country easily. Nous allons te faciliter la tâche. We'll facilitate you the task. Nous allons payer les taxes. We shall pay taxes. Nous allons faire tout ce que tu nous demandes. We shall do whatever you ask us to do. Et Roboam dit, and Rehoboam said, merci beaucoup les anciens, je vous ai écouté. Thank you so much, elders. I've heard from you. Donnez-moi 3 jours. Give me 3 days. Je vais vous répondre. I'll answer you. La Bible dit parti consulter les jeunes gens the, avec qui il a grandi. The Bible says that he went to consult the youth with whom he grew up. C'est-à-dire avec qui on jouait au foot it dans les quartiers. Means the one they played football with. Ou on jouait au Nintendo. Or the one they were just playing when they were children. Et Rehoboam consulte ces jeunes gens. And Rehoboam went ces and consulted those people. Dit, and those young men told him, oh roi, oh king, vive à jamais, live long, maintenant c'est notre tour, now this is our turn, dis aux anciens, tell the elders, que le rein de ton père, that the rein of your father, est plus léger que ton doigt, was very lighter than your finger. Tell them que si le père les a fouettés avec des fouets, that if a father caned them, toi tu vas les fouetter avec les scorpions. You are going to cane them with scorpions. Et malheureusement, unfortunately, les anciens reviennent. The elders il came. Leur donne ces réponses là. And he gave to them those questions, the answers. Et les anciens répondent. And the elders replied. Qu'avons-nous comme héritage avec David? What do we have as inheritance from David? Il parle même pas de Salomon. They don't even speak about Solomon. Ils se souviennent qu'on a au moins eu un bon roi dans le passé. They remembered that they had a good king who was si David. C'était David. Who was David? Et ils décidèrent. And they decided de se séparer de ce jeune homme. To get separated from that young man. 12 tribus d'Israël. The 12 tribes of Israel. Quitta ce jeune homme. They left this guy. Et ils choisissent un roi, Jéroboam. And they chose a king who was called Jeroboam. Et Jéroboam a régné sur 10 tribus. And Jeroboam became a king of 10 tribes. Jéroboam qui avait le droit et la propriété sur tout le pays. Now Rehoboam had the right and the property of the whole country. Seulement. He reigned only on 2 tribes. Quel est son problème? What was his problem? Inconscient. Inconscient person. Alléluia. Amen. L'inconscience. Inconscience. C'est une mauvaise chose. Something bad. Il faut que tu renonces à l'inconscience. You must cast out inconscience. Quelqu'un doit prier le Seigneur et dire Seigneur. May someone pray today, the Lord say, s'il God, te plaît, please, je vais sortir de l'inconscience. I want to come out of inconscience. J'aimerais que quelqu'un se lève. I want that someone stand up, please. Nous voulons prendre ces quelques minutes à prier. We want to take these some minutes to pray. Alléluia. Can you stand up and we're going to pray? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Brothers and sisters. La vie abondante est disponible. Abundant life is available. Et cette vie est la même. And that life is the same. De même qu'il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. It's written that Jesus is the same yesterday, today, and forever. De même. The same. La vie de Dieu the life of God est la même is the hier, same aujourd'hui et éternellement. Today and forever. De la même manière que les hommes du passé ont profité de la vie de Dieu. The same way that the former people got c'est la même vie aujourd'hui. Is the same life today. Elle est disponible aujourd'hui. It's available today. Et tu peux l'obtenir aujourd'hui. You can receive it today. Mais tu as besoin de sortir but you need to come out de l'inconscience. Of inconscience. Commence à prier le Seigneur. Start praying the Lord. Parle au Seigneur pendant quelques instants. Speak to the Lord for some prie pour minutes. Ton cœur. Dites Seigneur aide-moi. Open your heart and say God help me. Rends-moi conscient Seigneur. Help me to be conscient. S'il te plaît Seigneur. Father please. S'il te plaît Seigneur. Please Lord. S'il te plaît Seigneur. Please Lord. Touche quelqu'un ce soir. Touch someone this evening. Dégage quelqu'un de l'inconscience. May take someone out of inconscience. Dégage le cœur de quelqu'un ce take soir. Take the hearts of someone from out of dégage inconscience. Dégage l'esprit de quelqu'un ce soir. Take the spirit out of someone from inconscience. Prie le Seigneur, parle à Dieu. May you speak to God. Tu peux prier avec violence parce que cette chose t'a beaucoup ruiné. You can speak hardly, open up your mouth because these things have destroyed you. Cajoler l'ennemi. You don't need even to L'inconscience est un esprit. Inconscience is a spirit. Tu vas chasser cet esprit d'inconscience. You can chase out that spirit Elle t'a ruiné pendant des années. It has destroyed you for years. Elle a laissé dans ta vie des larmes. It has brought tears in your life. Elle a laissé dans ta vie des regrets. It has brought regret in your life. Tu peux renoncer à l'inconscience. You can take it out. Tu peux sortir de cette inconscience. You can come out of inconscience. Prie le Seigneur. Pray to the Lord. We ask you to come.